Donc un article 60, c'est une personne qui est au CPAS et qui doit prester de 1 an à 2 ans suivant l'âge pour avoir droit au chômage et récupérer ses droits. Et alors, ici, l'exposition que vous voyez ici, ça a été une vendredi soir. C'est une article 60 qui a fait son article 60 en menuiserie. Et elle a fait sur la récupération. Tout ce que vous voyez là, ce sont des choses de récupération. C'est magnifique. Voilà, oui. Ça peut être avec des palettes, elle nous a fait venir. On va aller voir là. Elle nous fait une chaise longue avec des palettes. Tout ça, ça a été fait avec des palettes. Le banc, les chaises, l'autre banc à la table là-bas. Le bar, c'est toute de la récupération. Pour nos en soirée, c'est une des activités, eh bien, nous ont fait pour tourner et pour disposer les boules de bingo. C'est vraiment... c'est une personne, c'est une dame qui a de l'or dans les mains et de l'imagination. Franchement, oui.